L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. On va parler de hockey mineur. On va parler de hockey mineur avec notre ami Hugo Maltin. Salut Hugo. Salut. Hugo, si on y allait maintenant avec la saison poisson plein dans les Ligues Saint-Pélette, donc on va faire un peu le tour de ce qui se passe. Oui, les saisons battent leur plein. Ouais. On a une nouvelle catégorie cette semaine qui commence, là, le novice. Donc, okay. On était rendu là, c'est la dernière catégorie, les équipes ont été faites la semaine dernière. Puis là, on est rendu là aux dernières équipes là, qui commencent leur saison régulière. Fait que moi, Robertval, avec Mastoyache, là, on a trois équipes de novices de dans nos équipes, là, donc un A et deux B. Les équipes ont été faites la semaine dernière, puis on va commencer là, cette semaine la saison régulière, donc un petit calendrier, un calendrier de 16 matchs. Fait qu'on on souhaite bon succès à nos équipes novices. Là, c'est notre bébé, là, nos bébés qui commencent leur saison à ce niveau-là. Sinon, c'est la poursuite des activités avant les débuts des tournois, parce que les tournois vont commencer bientôt. Fait que dans la tôme, c'est la poursuite. La même affaire. Puis on performe encore là, la fin de semaine dernière là, dans chacune des équipes. On a eu dans le Piouia deux victoires pour chacune des équipes. Ça va très bien, les mêmes affaires dans les équipes de l'Atome B. Puis Bantam, une grosse fin de semaine de trois parties, trois matchs en trois soirs, là, vendredi, samedi, dimanche, donc ça fait une bonne fin de semaine. Puis dans le cas du Bantam, la semaine prochaine à Dolbeau, c'est le tournoi de Bantam de Dolbeau Mistassini. C'est la semaine prochaine? Oui. Ça commence. Ouais. OK, donc je me demandais ça, parce que je pensais que c'était l'autre semaine. Donc La fin de semaine du 19, c'est le tournoi Bantam qui est à Dolbeau Mistassini. Mmh. Moi, j'ai mon équipe de Bantama là, de Robertval, puis de Mastoyache, puis j'ai l'équipe de Bantam B de Robertval qui sont inscrits au tournoi. Dans ce tournoi-là, pendant là, que nous autres, là, dans le Bantam 2B, je suis parti à Bécomo, Sept-Îles, pour dans mon calendrier régulier, nos matchs. Mais la semaine d'après, donc la fin de semaine du 25-26, là, c'est le tournoi Atome Piwi. Okay. Et là, dans ce cas-là, j'ai mon Atome 2B qui est inscrit là, j'ai mon Atoma qui est inscrit là, j'ai des équipes Atome B. J'ai mon équipe Piouia qui est inscrite là, puis j'ai mon équipe Piouibé. Donc, je vais avoir cinq équipes qui vont être représentées dans la fin de semaine du 25-26 là, au tournoi de Dolbeau. Puis la semaine prochaine, là, au tournoi de la fin de semaine du 19 du Bantam, j'ai mes deux équipes dans le simple lettre, le A puis le B, Bantam B, qui vont là, nous représenter là, au tournoi de Dolbeau. OK. Donc, ça devrait être quand même positif pour l'équipe de Robertval. Je pense qu'en tout cas, on peut pas prétendre nécessairement qu'on va gagner, mais je pense que chacune des équipes est capable de bien figurer, puis parce qu'ils figurent déjà bien là, au niveau de la Ligue, au niveau du Lac-Saint-Jean. C'est sûr que là, on va commencer dans les tournois là, à rencontrer des équipes du Saguenay. Donc, il y a des inconnus là, qu'on va affronter, qu'on connaît pas. Mais je pense qu'on est, en tout cas, du moins, là, on est capable là, de faire une belle figure là, dans les tournois, là, dans ce tournoi-là à Dolbeau. OK, OK. Hugo, tu as-tu d'autres choses à ajouter? Non, ça fait pas mal le tour. Là. Une prochaine fois, on parlera là, de ma ronde de Vissato, ouais, au niveau de mon nombre d'équipes, tout ça. Là, comment ça va, le recrutement? Le recrutement va quand même bien? Ça va super bien. Okay. Ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai au-dessus là, de... J'ai 40 quelques déjà équipes de confirmées pour mes deux fins de semaine. J'ai 7 équipes dans la... Depuis 3 ans, j'avais perdu la tome 2B, puis là, maintenant, là, j'ai 7 équipes de confirmées dans la tome 2B. Ah, c'est bon. Donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Tellement que les autres années, on avait toujours un petit calendrier où est-ce qu'on avait 4-5 équipes de pré-novices. je pense que cette année, là, je serais pas capable de faire jouer là, mes équipes de pré-novice dans le tournoi parce que là, je suis complet. Là, je vais être obligé d'aller jouer à Robertval, à Mastoyache. Ça fait que c'est vraiment là, c'est de bon augure pour notre tournoi là, de la ronde de Lusato. Ben Hugo, on s'en reparle jeudi prochain? Oui, on s'en reparle jeudi prochain. C'est la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Mathieu.